De la Bébélière à Thérèse le 15 juillet 1897. Langrune, 15 juillet. À ma sœur Thérèse. Ma bien bonne et bien chère sœur, déjà un mois, presque, que je n'ai reçu votre chère lettre. Si je n'avais été très absorbé depuis que je suis en vacances, je serais venu déjà quérir quelques bonnes paroles de vous, réchauffantes et réconfortantes. Vous le savez, le milieu des vacances est plus fait pour refroidir et ébranler une âme mal affermie que pour y opérer le bien tant désirable, et si nécessaire, surtout à la veille d'une grâce immense, c'est vous dire, chère sœur, que plus que jamais, l'épanchement de votre âme religieuse, dans la mienne, exilée en vacances, me devient plus nécessaire. Venez donc bien vite me dire de bonnes choses. Savez-vous que vous m'ouvrez des horizons nouveaux, dans votre dernière lettre, particulièrement, je trouve des aperçus sur la miséricorde de Jésus, sur la familiarité qu'il encourage, sur la simplicité, dans les relations de l'âme avec ce grand Dieu, qui m'avait moins touché jusqu'à présent, parce que sans doute, il ne m'avait pas été présenté, avec cette simplicité même, et cette onction que votre cœur prodigue, et j'ai pensé comme vous, mais je n'arrive, qu'imparfaitement, à cette simplicité délicieuse, que je trouve étonnante, parce que je suis un triste orgueilleux, et que je compte trop encore, sur les choses créées. Non, chère petite sœur, vous ne vous êtes pas mal expliquée, vous avez raison, j'ai bien compris vos théories et, comme vous le dites si bien, et si bonnement, puisque pour la pratique nous sommes deux, je m'en remets pleinement à notre Seigneur et à vous, c'est le plus sûr. Je regarde comme venant de Jésus même tout ce que vous me dites, j'ai pleine confiance en vous et me règle sur votre manière que je voudrais faire mienne. Demain, ma sœur, je serai très étroitement unie à vous et à votre communauté, particulièrement dans la communion que je ferai à cette intention, un de mes amis, nouveau prêtre, l'abbé Paul Troude, neveu de sœur Marie Philomène, mon compatriote depuis quelques années, chantera votre messe solennelle, il sera bien heureux, et j'ai demandé à notre bonne mère la permission de venir, dans quelques années, à la veille de partir pour le centre de l'Afrique, consacrer sur l'autel du Carmel le corps de notre Seigneur que je déposerai ensuite avec bonheur sur vos lèvres. À ce moment en effet je reviendrai en France passer quelques jours. J'ai demandé aujourd'hui aussi à notre mère une faveur à laquelle j'espère que vous voudrez bien souscrire, comme je l'ai fait moi-même pour la réciproque, comme toujours c'est à votre cœur que je fais appel. Permettez-moi de lui recommander encore quelques intérêts temporels qui sollicitent ma mère, chère, bien chère petite sœur, je vous laisse dans le cœur de Jésus, où je vous retrouve souvent, et où, je vous donne rendez-vous toujours. À jamais je suis votre frère attaché et reconnaissant Maurice Barthélemy Bélière. Une lettre bientôt, n'est-ce pas je vous en prie. Marc Lemdan, archive.org. D'après Archives Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.